ressembler à mon père. Être grand et fort et que de moi il soit fier. Petit, je voulais voler tel Superman, fendre les nuages et côtoyer les étoiles. C'est sûr, petit, je voyais pas ça comme cravate, costume, un crétin, amertume. À vouloir toujours ressembler à l'autre, je n'ai ressemblé qu'à moi. Et oublier que si parfois ça fait mal, mieux vaut ne s'en prendre qu'à soi, ne pas dévier son idéal. Pourquoi pas décrocher les étoiles. Un peu menti, je voulais ressembler à Hendrix. La guitare belle équipe natise les filles. Et puis aussi être raconteur d'histoire. Je voyais pas ça comme pire. Semaine, routine, week-end où rien ne s'illumine. À vouloir toujours ressembler à d'autres, je n'ai ressemblé qu'à moi. Et oublier que si parfois ça fait mal, mieux vaut ne s'en prendre qu'à soi, ne pas dévier son idéal. Pourquoi pas décrocher les étoiles. Et plus je ferme les yeux, plus je me vois devenir vieux. L'audace un peu frileuse. Allez, c'est pas trop tard pour écouter ce que disait le moutard. Enfin colorier mon soir. C'est sûr, petit, je voyais plutôt ça comme vie. Idéo, réglo, rêveur,